Chapitre 11e. Inattendu. Les choses, cependant, ne devaient pas se passer aussi facilement que le pensait l'avocat. Promettre et tenir font deux. À peu près à la même heure où John Michel faisait sa visite à M. Apperley, Raymond Bird en faisait une de son côté à M. Geoffrey Dane. Le domestique de M. Dane parut excessivement surpris de la présomption de Ravensbird, qui insistait pour être admis auprès de son maître. « Je ne le nie pas, il est à la maison, dit-il, mais je ne pense pas qu'il veuille vous recevoir. »« Supposons que vous le lui demandiez, » répliqua Ravensbird en entrant sans façon. « Dites-lui que c'est pour affaire. » Le domestique aurait peut-être naguère positivement refusé, mais son maître était un homme important maintenant. Bientôt le seigneur de Danechild, il n'osa pas. « Je vais répéter vos propres paroles à M. Dane, » dit-il, de mauvaise grâce. Geoffrey Dane était dans le petit salon où nous l'avons déjà vu une fois, non pas comme ce soir-là, fumant un cigare et buvant, mais assis dans un grand fauteuil, son coude sur la table, la tête appuyée sur sa main. C'était son attitude habituelle maintenant, les traits empreints d'une expression de tristesse indicible. « C'est Sir Ravensbourne, monsieur. » Il est entré dans l'antichambre comme un effronté et demande à vous voir. Il dit que c'est pour affaire. « Du diable si je me doute de ce que peut me vouloir Ravensbird. Pour affaire, » ajouta M. Dane d'un ton d'ennui. « Faites-le entrer, cependant. »« Monsieur, » commença Ravensbird sans circonlocution, « on dit que Lord Dane se repose sur vous pour bien des choses, relativement à la gestion de ses propriétés, depuis que vous êtes devenu son héritier. »« Eh bien, » fit M. Dane, « je suis donc venu vous prier de vous intéresser à moi et de me prêter votre appui auprès de sa seigneurie pour qu'elle m'accepte comme locataire du rendez-vous des marins ou de traiter vous-même avec moi si vous en avez le pouvoir. » Il parlait hardiment, non comme un suppliant, mais plutôt un homme qui adresse une demande toute naturelle. Ravensbird avait toujours été réputé à Danechild pour son indépendance de manière et de langage. Depuis l'accusation portée contre lui, surtout, sa hardiesse et son assurance avaient quadruplé, et il est probable que cette manière d'être n'avait pas peu contribué au revirement de Danechild dans sa faveur. Comment, en effet, un homme coupable aurait-il pu conserver une telle fierté d'allure? Comment, vous êtes vous aussi un des compétiteurs du rendez-vous des marins? S'écria M. Dane. J'ai entendu nommer une douzaine de personnes au moins, mais pas vous. Oh, je n'ai pas fait d'embarras comme les autres, monsieur. Mais aussitôt que j'ai vu Hawthorne décider à céder son bail, je lui ai parlé confidentiellement. Il me faut bien faire quelque chose pour gagner ma vie. J'ai cherché de tous côtés depuis mon départ du château. Alors vous n'avez pas l'intention de rentrer en service? En service? Qui voudrait m'accepter? N'ai-je pas été accusé d'avoir assassiné mon dernier maître? Il y en a encore, monsieur Herbert. Je vous demande pardon. J'aurais dû dire monsieur Dane, qui ne croit pas à mon innocence. Je n'avais pas du reste l'intention de rentrer en service si je quittais celui du capitaine Dane. Le rendez-vous des marins est juste la chose qu'il me faut. Voulez-vous m'aider à l'obtenir, monsieur ?»« Ravensbird, » dit M. Dane sans répondre à la question, « il me paraît étrange que vous demeuriez à Danechild. Aucun lien ne vous y attache, et jusqu'à votre arrivée ici, avec votre maître, vous étiez étranger au pays. Si une mésaventure comme celle dont vous vous plaignez m'était arrivée, il me semble que quelque fût l'injustice de l'accusation, mon plus grand désir serait de quitter la place. « Non, monsieur, » répondit Ravensbird, d'un ton tranquille et concentré, « je préfère rester. Pour prendre possession du rendez-vous des marins, il faut de l'argent. L'argent ne m'inquiète pas. Vous pensez bien que je n'ai pas vécu toutes ces dernières années sans en mettre de côté. La difficulté n'est pas là. Hawthorne s'est joué de moi. » Continua Ravensbird, j'ai su avant tout le monde son intention de céder son auberge, et je lui demandai immédiatement de traiter avec lui. Il m'avait presque pris au mot et était d'abord tout feu tout flamme pour terminer l'affaire. Mais un ou deux jours après, il changea de ton, et depuis il a cessé d'hésiter entre John Michel et moi. John Michel serait un excellent tenancier. Pas meilleur que moi, Hawthorne le sait bien. Mais on lui a mis dans la tête que My Lord ne m'accepterait pas à sa place. S'il a encore des doutes sur mon innocence, et Hawthorne, craignant des hésitations et des délais, a passé à l'ennemi, Michel. Mais Lord n'a pas de doute, il vous croit coupable, fut sur le point de dire Geoffrey Dane, mais il retint la phrase sur ses lèvres et laissa Ravensbird continuer. Il n'est pas vraisemblable que Lord Dane persiste à me croire l'agresseur de son fils, après la preuve éclatante de mon alibi, quoiqu'il était d'abord prévenu contre moi, ce que je trouve tout naturel. Voulez-vous m'accepter comme tenancier, monsieur Dane ? Je n'ai le pouvoir ni de vous accepter ni de vous refuser. Vous êtes mépris tout à fait sur mon influence auprès de Mylord. J'ai certainement traité quelque chose au nom de mon oncle depuis que je suis son héritier présomptif, mais je n'ai aucune autorité pour louer ses maisons. Voulez-vous lui parler en ma faveur, monsieur ? Monsieur Dane hésitait. Je lui parlerai à la minute, Ravensbird, si je n'étais pas certain qu'aucun bien ne pourra en résulter pour vous. À part toute prévention contre vous, qu'il en est ou n'en est pas, je ne saurais vous le dire. Lord Dane est un homme qui ne souffre pas d'ingérence dans ses affaires, même de ma part. Vous pourriez essayer, persista Ravensbird, quel que doive être le résultat. Voulez-vous me promettre de ne pas avoir un trop grand désappointement ? Si la chose dépendait de moi, ce serait une autre affaire, mais elle dépend entièrement de Lord Dane. Il y eut une pause. Ravensbird gardait le silence, comme s'il eût encore attendu une réponse. Ses yeux perçants ne quittaient pas ceux de M. Dane. Cependant, puisque vous paraissez y attacher une si grande importance, je parlerai à sa seigneurie, reprit Geoffrey. Mais il me fera attendre le moment favorable. Il n'est pas disposé tous les jours à parler d'affaires et surtout à les décider au pied levé. Si celle-ci n'est pas décidée d'ici à demain soir, John Michel aura la place. Eh bien, je parlerai à sa seigneurie d'ici là. Quelques heures après cette conversation, une petite fête intime était donnée au château de Dane par les domestiques. Les tristes événements de ces derniers temps s'étaient succédés si rapidement que les domestiques, par sentiment des convenances, avaient renoncé momentanément à réunir le soir, comme d'habitude, leurs amis et connaissances. Mais cette privation de plaisir leur avait bientôt paru insupportable et en conséquence, ils donnaient aujourd'hui une soirée dans leurs appartements, ayant préalablement envoyé des invitations, selon la coutume des amis de M. Waller, les valets de pied de Bath. Modeste soirée réunissant en plus une demi-douzaine d'invités. La chambre de la femme de charge avait été décorée pour les recevoir et la table pliée sous le poids des gâteaux, des friandises et des théières. Au premier rang parmi les convives brillait Ravensbird, qui s'était introduit au château furtivement, pour ne pas avoir l'air de braver les préventions de Lord Dane. Les domestiques ne partageaient pas ces préventions de leur maître. Ils considéraient Ravensbird comme absolument innocent, comme une victime qui leur appartenait de réhabiliter et qu'il était de leur devoir d'entourer de leur respect. Peut-être la parole éloquente de Mademoiselle Sophie Collot avait-elle contribué à donner plus de force encore à cette opinion. Une dame, que nous avons déjà eu l'honneur de vous présenter, amis lecteurs, avait également été invitée ce soir-là, Mademoiselle Eliza Tiffle en personne. Le point de mire de Tiffle dans la vie était l'élégance. Elle portait en conséquence une robe de mousseline claire, garnie de bas volants et de nœuds roses, et un bonnet à ruban de même couleur. Le valet de chambre de Lord Dane, un ancien beau, à la recherche depuis 20 ans, disait-il, d'une femme digne de fixer son cœur, murmura à l'oreille de Mademoiselle Tiffle de douces paroles, tout en la comblant de pâtisseries, de vin et d'autres bonnes choses. On venait de prendre le thé, mais une splendide collection de ce que la femme de charge appelait les friandises l'avait remplacée, et M. Bruff avait été libéral et consciencieux dans le choix des vins. Ils parlaient tous à la fois. Une véritable tour de Babel de langue, de leurs affaires particulières, mais surtout de celles de leur maître et de leur maîtresse. Le prochain mariage de Lady Adélaïde avec Squire Lester servait de texte à une discussion des plus vives entre Tiffle et Sophie. Ni l'une ni l'autre ne paraissant le tenir en grande odeur de sainteté, et M. Bruff exerçait son éloquence sur le départ de Hawthorne de Dainchild et sur le nouveau locataire du rendez-vous des marins. « On dit que ce sera John Michel, » observa-t-il à Ravensbird. « Vraiment ?» se contenta de répondre Ravensbird par politesse et sans dire un mot de ses prétentions personnelles. « Voudriez-vous aller par le passage de pierre jusqu'à la chambre de Mylord et voir s'il dort encore ?» cria Bruff au balai de chambre, en interrompant lâchement la flirtation de ce gentleman et de Tiffle. Mylord a certainement dormi. Autrement, il aurait sonné. Il a été plus assoupi aujourd'hui que d'habitude. Lady Adélaïde est avec lui dans sa chambre. Je connais mon devoir. Je vous prie de le croire, monsieur Bruff. Dieu me pardonne, s'écria Sophie en se levant en sursaut. Milady ne m'avait-elle pas demandé de lui apporter son châle parce qu'elle sentait le froid la gagner? Il y a de cela une heure. Qu'est-ce que j'ai dans la tête ? Je m'étonne que la jeune lady consente à passer ses soirées dans la chambre d'un malade. je croyais avoir entendu dire qu'elle n'était pas trop portée aux soins domestiques. » La remarque venait de Tiffle. Sophie s'était précipitée hors de la chambre afin de réparer son oubli, et la femme de charge, Mrs. Corbett, une forte femme en robe noire garnie de flots de crêpes, prit la parole à sa place. « Elle se trouve bien seule dans ce grand château, la pauvre lady, et la société d'un malade vaut encore mieux que pas de société du tout. Vous n'avez jamais vu de personne aussi changée qu'elle. » »« Elle s'ennuie à mourir, ce n'est pas autre chose, » dit le valet de chambre. « La moitié du temps, elle n'a pas une âme à qui parler. Il faut espérer que votre maître l'emmènera bientôt d'ici, Miss Tiffle. Ce serait un crime d'attendre plus longtemps. » « Et puis elle n'est pas bien portante, j'en suis certaine, » continua la femme de charge. « Il faut être véritablement malade pour avoir le frisson par ces chaudes soirées, et elle se plaint toujours de grelotter. Toutes ces morts successives ont dû lui porter un grand coup. D'abord le capitaine, puis M. Dane, puis... » L'énumération de la femme de charge fut subitement interrompue. Sophie venait de se précipiter dans la chambre, affolée de terreur, haletante, affreusement pâle. « Qui est dans la chambre de la mort ? » s'écria-t-elle. « Personne, » dit M. Bruff. « La chambre de la mort est fermée à clé. »« Ah ça, mademoiselle Sophie, est-ce que vous allez nous donner une seconde édition de vos idées superstitieuses ?»« Elle n'est pas fermée, la porte est ouverte et la clé est dans la serrure. »« Et je vous dis, moi, qu'elle est fermée et que la clé est dans le garde-manger. »« Mais puisque je vous répète qu'elle est ouverte, bah !» répondit Sophie en frappant du pied. « Est-ce que je n'ai pas des yeux, M. Bruff ? » Quand j'ai traversé le corridor en allant porter le châle, je crois qu'elle était fermée. Je n'avais rien remarqué. Sans cela, je n'aurais jamais eu le courage de passer devant. Mais en revenant, je la trouvais entr'ouverte. J'ai parfaitement vu la clé dans la serrure et les drapeaux dans l'intérieur de la chambre. J'ai cru que j'allais tomber à la renverse. Monsieur Bruff, tout en marmottant entre ses dents que Sophie voyait des fantômes partout, mais désireux de confondre, une fois pour toutes, cet insupportable camériste, se dirigea vers le garde-manger, dans l'intention d'y chercher la clé. Le vieux valet de chambre prit la parole. « Avez-vous porté le châle dans la chambre de Milord, mademoiselle Sophie ?» Tiffle la regarda de travers avec ses petits yeux gris, en se demandant tout bas jusqu'à quel point elle pourrait s'accommoder de son ton de commandement et de son impertinence quand elle aurait transporté ses pénatoles. Milord dormait, probablement. Je n'ai pas regardé du côté de son lit. Milady dormait. Elle s'était assoupie, la tête renversée sur le dossier du grand fauteuil, de sorte que je posai doucement le châle sur ses genoux et sortis sans bruit. « C'est très drôle, » s'écria Bruff en rentrant. « La clé n'est pas dans le garde-manger. Quand je vous le disais. » Cette Sophie qui voit des fantômes là où il n'y en a pas et s'imagine que les portes fermées sont ouvertes et découvre dans les serrures les clés qui sont dans les garde-manger. » répliqua Sophie sans pitié pour la confusion de Bruff. « Peut-être, si vous vous donniez la peine de monter jusqu'à la chambre de la mort, la trouveriez-vous ouverte, Monsieur Bruff ?»« J'y vais à l'instant. » Tiffle se leva en sursaut. « Oh, Monsieur Bruff, si vous vouliez me permettre de vous accompagner, il y a si longtemps que je désire jeter un coup d'œil dans la chambre de la mort du château de Dane. »« Vous serez la bienvenue, s'il vous plaît, de venir, et vous tous aussi, » dit Bruff, en s'adressant à la société en général. « C'est une chambre absolument vide et où il n'y a rien à voir. » Tous le suivirent encore, tous les invités étrangers au château. L'exemple est contagieux. La craintive Sophie elle-même, se trouvant sans doute suffisamment protégée au bras de Ravensbird, avait consenti à les accompagner. Son assertion se trouva exacte. La porte était entr'ouverte et la clé dans la serrure. Bruff jurait intérieurement de tirer vengeance du coupable s'il parvenait à le découvrir. Ce devait être, il n'en faisait aucun doute, quelques serviteurs subalternes, désireux de satisfaire sa curiosité ou peut-être de jouer un mauvais tour à son supérieur. Retirant la clé de la serrure et la mettant en sûreté dans sa poche, il introduisit la société. « Ah, ce n'est que ça !» s'écria Tiffle à qui le désappointement faisait oublier ses prétentions comme il faut. « Un grand grenier carré et sombre, avec rien dedans. Je vous avais averti, » répondit le sommelier. « Que vous attendiez-vous donc à voir ?» Ça me serait, quant à moi, parfaitement indifférent de passer devant cette chambre. Je l'oserais bien 50 fois pour une, même à minuit, s'écria-t-elle en lançant un regard méprisant à Sophie Collot. Il n'y a rien là à vous faire pousser de tels cris. Où conduit cette porte? À un petit cabinet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une paire de chevalets. Oh, nous pouvons nous les voir. « Non, Madame Tiffle, » répondit Bruff d'un air grave, « on n'ouvre jamais ce cabinet que lorsqu'il est indispensable de l'ouvrir. Eh bien, cette chambre est froide, malpropre et triste. Elle ne vaut certes pas la peine de se déranger. Quelle utilité de construire des fenêtres par où l'on ne peut pas regarder, et comme le parquet est humide. » À ces dernières remarques, tous jetèrent les yeux sur les dalles de pierre. Elles étaient humides par places, capricieusement humides, pour ainsi dire, tout à fait mouillées en certains endroits, tout à fait séchant d'autres. « Comment appelez-vous donc ce genre de pavage ?» demanda Tiffle. « Il y a des pierres spongieuses et d'autres qui ne prennent pas l'humidité. Tout le monde sait ça. Mais ici, tenez, voici une pierre, et elle n'est pas la seule, dont une moitié est humide et l'autre moitié absolument sèche. Et puis, qui a jamais vu des pierres être humides par une nuit d'été aussi chaude, et surtout par la sécheresse de ces derniers temps ?» Personne ne répondit à Tiffle. Chacun regardait les dalles avec une sinistre épouvante, car chacun croyait la légende de la chambre de la mort comme à sa Bible. Le sommelier sourit. « Il n'y a rien là d'extraordinaire, » dit-il. « La chose arrive fréquemment à cette espèce de pierre. Que regardez-vous donc, monsieur Ravensbird ?»« C'est bien étrange, » s'écria Ravensbird, qui depuis son entrée avait tout examiné en silence. « L'endroit m'est tout à fait familier, et cependant je n'y suis jamais entré. » « Où, comment et quand l'ai-je donc déjà vu ?»« En rêve, probablement, » insinua Tiffle. « On voit de si drôles de choses dans les rêves. »« Probablement, » répondit Ravensbird, à la grande surprise du sommelier qui le croyait un homme sérieux et positif. « Allons, nous n'avons plus rien à faire ici, et les dalles sont peut-être bien humides pour les pieds des dames. Partons. » Ils défilèrent tous, les uns après les autres, et d'un pas rapide traversèrent le corridor, laissant Bruff derrière eux, occupé à fermer la porte. Il venait à peine de remettre la clé dans sa poche, quand il vit Lady Adelaide venir précipitamment au-devant de lui. Le vieux serviteur ne put se défendre d'un mouvement de terreur. C'était si rare qu'Adelaide vint dans cette partie du château, et son visage était si pâle et si épouvanté. « Bruff, Bruff !» lui dit-elle d'une voix haletante en lui saisissant le bras. « Quelque chose a dû arriver à Lord Dane. Il a l'air, je ne sais pas, moi. Oh, ma lady, vous n'aurez pas dû prendre la peine de vous déranger. Pourquoi n'avoir pas sonné ? J'avais peur de rester seul. Je m'étais endormi, et quand je me réveillais, je me levais pour regarder Lord Dane, étonné qu'il ne m'eût pas appelé et qu'il ne me parlât pas. Il avait la tête renversée, la bouche toute grande ouverte, blanc comme un linge et glacé. J'étais terrifié. Peut-être s'est-il évanoui, ma lady ? Il était sujet aux évanouissements au commencement de sa maladie. « Bref, » bégaya-t-elle en éclatant sanglots nerveux, « il a l'air d'un mort, le visage tout à fait comme celui de ma tante quand elle était morte. » Sans dire un mot qui pût appeler l'attention de ses camarades ou alarmer davantage Lady Adelaide, Bruff se rendit de suite à la chambre de Lord Dane, suivi de la pauvre jeune fille qui, dans sa terreur, se pendait pour ainsi dire à son habit. Hélas, Bruff apprit bientôt la triste vérité. Lord Dane était mort pendant son sommeil. Même en ce moment, Bruff, la véritable quintessence du sang-froid, du méthodisme et du décorum, fut assez maître de lui pour ne pas ébruiter immédiatement la nouvelle. Il fit venir quelques-uns des domestiques, leur disant que Lord Dane se trouvait plus mal, et les envoya avertir les personnes que l'événement pouvait concerner. Il ne fit pas prévenir M. Lester, le sachant absent de Danechild pour toute la soirée. M. Wilde, Geoffrey Dane et M. Apparley arrivèrent sans retard. Le médecin affirma que la mort remontait à beaucoup plus d'une heure. Les domestiques étaient pétrifiés. Le pauvre vieux valet de chambre, presque du même âge que son maître, ne pouvait retenir ses larmes. « N'y a-t-il rien à faire pour le rappeler à la vie ? » demanda-t-il en sanglotant à M. Wilde. « Quand je pense que je ne restais jamais 10 minutes sans entrer dans sa chambre pour voir s'il n'avait besoin de rien et que ce soir, justement... » « Il n'y a rien à faire, je vous le répète, » dit le médecin, « et vous n'avez pas besoin de moi pour vous en assurer. Nous avons au moins une consolation, c'est de penser qu'il est mort tranquillement et sans aucune souffrance. Je pensais bien qu'il s'éteindrait ainsi. « Alors pourquoi ne l'en avoir pas averti, Wilde ?» s'écria M. Apparley d'un ton de violent reproche. « Ce matin encore, sa seigneurie me disait qu'il n'était pas exposé à s'en aller comme une bougie qu'on souffle. Et pourquoi l'aurais-je averti ? Il était préparé à la mort, il la savait prochaine, très prochaine même. Non, il n'était pas préparé à la mort. répondit vivement l'avocat, dans un sens du moins. Il n'avait pas mis ordre à ses affaires. Ils se regardèrent tous, profondément surpris. Lui, Lord Dane, malade depuis si longtemps, n'avoir pas mis ordre à ses affaires. Geoffrey Dane sourit d'un air incrédule. « C'est la vérité, cependant, » continua l'avocat. « Après la mort de sa femme et de ses deux fils, son dernier testament fut détruit, et j'en avais rédigé un nouveau. Ah, à quoi tiennent les choses dans ce bas monde ?» Quand je me trouvais avec Lord Dane ce matin, il me donna rendez-vous pour 3 heures dans l'après-midi, et je devais lui apporter alors son testament à signer. Mais, se sentant fatigué, il changea d'avis et remit le rendez-vous à demain matin à 11 heures. Et maintenant le voilà parti, et le testament ne vaut pas plus que des vieux papiers. Attendant la signature. Attendant la signature, oui. C'est vous qui en profiterez, ajouta l'avocat en regardant Geoffrey Dane. Non, répondit tranquillement Geoffrey. Ils passèrent dans la salle à manger contiguë à la chambre où Lord Dane était mort. Il avait toujours habité le rez-de-chaussée depuis son accident. Les étrangers partirent les uns après les autres, presque furtivement, et comme s'ils eussent été embarrassés de leur présence. « Mylord, restez-vous au château dès à présent ?» C'était la femme de charge qui adressait cette question. Tous se retournèrent et la regardèrent. Au premier moment, ils crurent qu'elle parlait à celui qui était tendu là, à son maître mort. Mais non, c'était bien Geoffrey, Lord Dane maintenant, au nouveau père d'Angleterre, le très honorable Geoffrey, 17e baron Dane. « Oui, je présume, répondit-il, cela vaudra mieux peut-être. » Mais comme il parlait, Lord Dane, il faut lui donner ce nom désormais, jeta les yeux sur Adélaïde et se reprenant. « Non, pas cette nuit, Madame Corbett. Il n'est pas besoin de temps se presser. Je m'occuperai demain des dispositions à prendre pour l'avenir. Comme il vous plaira, Mylord. » « À moins que vous ne craigniez de passer seul la nuit au château, » ajouta-t-il à voix basse, en s'approchant d'Adélaïde. « Dans ce cas-là, je resterai. » « Je vous remercie. »« Oh non, je n'ai pas peur, » dit-elle. Et une vive rougeur couvrit tout à coup ses joues pâles. « Les domestiques ne sont-ils pas là ?»« Ce sera comme vous voudrez. » « Je télégraphierai à Cecilia demain matin. Vous serez aise, sans doute, de l'avoir auprès de vous. »« Je vous remercie, » fit-elle de nouveau. Elle lui avait adressé ses deux remerciements d'un air égaré, machinalement, pour ainsi dire, comme si elle ne savait pas ce qu'elle disait et ce dont il s'agissait. « Je vous souhaiterai une bonne nuit, alors, Lady Adélaïde. »« Bonne nuit, » reprit-elle en lui tendant la main. « Vous, cela va sans dire, s'il vous plaît, vous donnerez les ordres maintenant. »« Oui, oui, » dit-il en retenant sa main dans la sienne. « Je m'occuperai de toute chose. Je ferai en sorte que vous ne soyez troublé en rien. » Et elle s'assit dans un coin, derrière le paravent, après son départ et éclata en sanglots nerveux. Sophie Collot ne la quittait pas des yeux. « Je ne resterai pas un seul jour au château, maintenant qu'il en est le maître, » murmura-t-elle. « Si je me retrouvais avec lui, j'oublierai peut-être ma résolution et je romprai avec George Lester. Je pourrais me laisser entraîner à l'épouser, après tout, et alors Dieu me punirait de mon parjure. Ah, pourquoi l'ai-je jamais aimé? Pourquoi ne pouvons-nous nous oublier l'un et l'autre? Où irai-je? Oh, où irai-je ? » Comme Lord Dane sortait du château, Richard Ravensburg l'accosta brusquement. Il semblait l'avoir guetté sur la pelouse. « Mylord, je dois d'abord m'excuser de vous déranger à une pareille heure, mais je voudrais vous dire un seul mot pour affaire et... »« Ce n'est ni le lieu ni le moment, Ravensburg, » fit Lord Dane d'un ton décisif. « Vous savez, je vois ce qui est arrivé. Je le sais, Mylord. J'étais à ce moment-là au château où je passais une heure ou deux avec les domestiques, et je suis vraiment peiné que cette mort ait été si soudaine. J'ai toujours eu une grande vénération pour Lord Dane. Les domestiques ont été plus généreux que leur maître, alors. Ils vous ont pardonné. Je vous ferai observer respectueusement, Mylord, que pardonner n'est pas le mot propre, riposta vivement Ravensburg. Le pardon suppose une faute, et je n'en ai commis aucune. Eh bien, que désirez-vous de moi? C'est pour le bail du rendez-vous des marins. Je n'ai pas une heure à perdre, je le sais. « Si je vais l'avoir, pas une heure, autrement je ne me serais pas permis de parler à votre seigneurie dans un pareil moment. » Monsieur Apparley a déjà commencé à rédiger le contrat en faveur de John Michel, sous la condition de l'approbation de Lord Dane, bien entendu. « Mylord, vous êtes Lord Dane à présent. » Il prononça ces derniers mots avec une sorte d'énergie mordante. Son ton était dégagé, indépendant, presque impérieux. Lord Dane ne pouvait manquer d'en être frappé. Il ne parut pas cependant y prêter attention. « Et vous croyez que je puis vous accorder ce bail ? J'en suis sûr, my lord, et j'espère que vous le ferez. Votre seigneur y aura au moins un bon tenancier. »« Assez sur ce sujet pour ce soir, Ravensbird, » répondit sèchement Lord Dane. « Je vous l'ai déjà dit, le moment n'est pas convenable. » Ravensbird porta respectueusement la main à son chapeau et se dirigea à grands pas vers Danesheld. Lord Dane suivit la même direction, mais plus lentement. Il était sur le point d'entrer dans son cottage quand, entendant un bruit de pas derrière lui, il se retourna et aperçut M. Apparley revenant probablement du château. « Un triste et terrible événement, et si brusque !» s'écria l'avocat en l'abordant. « Votre seigneurie l'a vivement ressenti, j'en suis sûr. »« Très vivement, en vérité, Apparley. Je m'y attendais si peu, » répondit Lord Dane, dont le pâle visage paraissait livide par le clair de lune. Nous ne pouvions espérer qu'il restât bien longtemps encore au milieu de nous, mais jamais je n'avais pensé à une fin aussi soudaine. Et lire qu'il n'a même pas eu le temps de signer son testament. Comme je l'ai fait observer à votre seigneurie, c'est elle qui en profitera, mais les autres. Ne parlons pas de cela ce soir, Apparley. De telles pensées sont loin de mon cœur. Jamais mon pauvre oncle, plus peut-être que ses fils eux-mêmes, ne l'ont jamais aimé. Ajouta Lord Dane d'un ton de profonde douleur. Oh, j'en suis certain. Quand rencontrerai-je votre seigneurie pour lui parler d'affaires? Il y a plusieurs choses à régler de suite. Vous me trouverez au château demain. J'y serai vers 10 heures. Et jusque-là, Parly, jusqu'à ce que j'aie examiné les affaires, laissez en suspens toutes celles, quelque peu importantes qu'elles soient, que vous pouvez avoir en main. Beau, location et autres. Très bien, my lord. Mais je n'ai rien en main pour le moment, excepté le transfert du bail de Hawthorne à Michel. Ils désireraient tous deux le voir signer en moins de temps qu'il n'en faut pour le rédiger. L'un voudrait quitter le pays tout de suite, l'autre ne se croit sûr de rien tant que le bail n'est pas signé. Je puis terminer cette affaire, je présume. Non, pas plus celle-là que les autres. Mais, dit l'avocat surpris, Lord Dane ne faisait aucune objection contre Michel comme locataire. Il me l'avait répété ce matin encore. Il en sera de même de votre seigneurie, je suppose. La mort de Lord Dane doit arrêter quant à présent toutes les négociations de ce genre. Laissez tout en suspens, vous m'entendez ? La réponse était faite d'un ton décidé et quelque peu brusque, qui n'admettait pas de réplique. Monsieur Apparley se contenta d'incliner la tête en signe d'acquiescement et dit adieu au nouveau père. « Peste ! Il ne manque pas d'une certaine volonté, celui-là. On ne le mènera pas aisément, » s'écria l'avocat quand il se trouva seul sur la route. « C'est souvent le cas avec ces hommes qu'un événement inattendu élève subitement et sans transition. Il aurait presque mieux valu pour nous d'avoir commettre l'autre héritier, l'honorable Geoffrey. » Le nouveau père d'Angleterre, rentré chez lui, monta de suite à sa chambre. Mais au lieu de se mettre au lit, comme c'est généralement l'habitude à une heure aussi avancée de la nuit, il se promena de long en large jusqu'au matin.